To open and set you mine. Moi, je pense que c'est joli. I must go to work. Thank you very much, ZZ, for this nice piano riff. I like it. It's really good. See you later. En français. Des français, non, attends, là, je parle en anglais. Là. On est con. Ah, j'ai bien envie d'en faire une autre avec toi. Please cool. Listen. Mieux là. Ok, ça c'est pas mal ça. Replay, replay. Sans baisser.